Pour l'instant, on a besoin des mecs comme l'esclave a besoin de son maître. Ils nous tiennent par le fric, le patriarcat, les structures, tout ça par des besoins préfabriqués. Et l'amour dans tout ça, alors qu'est-ce que t'en fais? Wow! Alors quand on est con comme ça, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de fermer sa gueule. Ouais. C'est ce que j'explique depuis 10 ans à ma belle-mère, mais rien à foutre, faut qu'elle moufte. Et en général, pendant le match. À tous, le Pacos va se pointer dans une heure. Quelle heure avez-vous? 13h. 15. Eh ben c'est tout. Très c'est tout, bien. Hein, C'est Nova. Dans la mécanique des ondes. Hey, I can't find that on the radio. La mécanique des ondes. You'll turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 14e épisode de la mécanique des ondes. Trois quarts d'heure pour parler carrière radiophonique ou autre avec ceux qui sont devant et derrière le micro. Je reçois aujourd'hui Bruno Delport, directeur général de Radio Nova. Bonjour Bruno Delport. Bonjour, ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté Catonoma. Dites-moi, oui, ça c'est le nom du chanteur du générique. Derrière. C'est ça. Oui, ouais, alors on le reprécise. Mais alors, par contre, j'aimerais bien avoir votre réaction sur ce qui s'est passé avant le générique, parce que avec Arnaud qui est à la technique, on s'est un peu marré pour refaire un carillon radio Nova-esque. Ça marche. C'est après, c'est. Je pense qu'on n'aurait pas pris l'extrait de Marielle avec la vanne sur la belle-mère, parce que voilà, c'est le genre de truc qu'on évite, mais on aurait trouvé d'autres trucs. Bah, si on a pu se permettre. Bah vous pouvez, ouais. Mais nous, on fait gaffe à ça. Autrement, on aurait pris, je sais pas. Moi, je rêve d'avoir. Ils l'ont toujours pas pris. Je l'ai amené pourtant. C'est Pierre Fresnay dans La Grande Illusion qui dit « Je dis vous à ma mère ». Et il met ses gants. Rien que d'entendre Fresnay dire « Je dis vous à ma mère », ça me fait rire. Voilà. Alors, on va reparler de tout ça, Bruno Delport. La première question qui est habituelle. Vous êtes au micro d'une radio associative et j'aimerais savoir si ça vous rappelle des souvenirs. Ça me rappelle un souvenir, mais très très très très très ancien, puisque ça s'appelait Radio Mary Poppins. C'était, je crois, à Saint-Jean-de-Larvel, côté d'Orléans, et il y avait des boîtes d'œufs au mur. Voilà. Ce qui est très bien pour insonoriser les studios. Ce qui est surtout pas cher, si on a un copain qui bosse dans les œufs. C'est vrai. Vous aviez quel âge? J'avais 16 ans, 17 ans, ouais. Et on atterrit devant le micro ou pas? Oui, vaguement, enfin, pour dire 3 mots et demi, pétochard à fond, mais non, j'ai toujours aimé la radio en fait depuis tout petit. Donc... J'en ai fait aux éclaireurs de France. On avait un magnétophone, on appuyait, il fallait qu'on fasse comme une émission de radio. Voilà, et là j'avais 10 ans. Donc ça commence très très très tôt la radio? Toujours. En tant qu'auditeur aussi? Auditeur, j'ai toujours écouté la radio le matin, le soir, avec les petits postes, quand on a eu les petits postes. Perso, dans les années 70, avec les grandes ondes, mais on écoutait ça sous l'oreiller. Ouais. Alors, Radio Mary Poppins, donc vous faisiez plus ou moins des émissions, mais peut-être autre chose? Ah non, j'y suis passé 2 fois. Ah bon, d'accord. Ah, ouais, en tant qu'invité? Même pas, non. Comme ça, on passait, quoi. C'est bonjour, ça va, ouais, super. Je peux dire un truc. D'accord. Et en fait, donc vous aviez quel âge, rappelez-moi? C'était en 81, donc j'avais 17 ans. Un peu moins, 16 ans et demi, ouais. Et alors, vous étiez au lycée? Oui. Et vous passez votre bac après? Un peu plus tard. D'accord. J'ai ralenti légèrement, donc je ne l'ai passé qu'en 83, mais je l'ai eu. Premier coup. Est-ce que après, au niveau des études, ça dirige quelque chose ça va pas loin, ça fait que j'ai jamais été beaucoup plus loin que... Enfin, j'ai eu la première année de Sciences Éco, mais c'est tout. D'accord, donc vous vouliez faire quoi dans la vie à cette époque-là? De la radio. D'accord. De la radio, voilà. Il y avait les radios, il suffisait de pousser les portes, d'entrer, et puis de prendre une place. Et après, on était nuls, on n'était pas trop cons. Voilà, j'ai réussi à être pas trop con. D'accord, alors il va falloir me raconter tout ça, justement, parce que si on ne fait pas beaucoup d'études, vous êtes monté à Paris, vous êtes à Paris? Après, ouais. Non, au début, je suis à Orléans, sur une radio qui s'appelle Vibration, qui existe toujours. D'ailleurs, toutes les radios où je suis passé existent toujours. Alors, je sais jamais. C'est un bon signe? Non, je ne sais pas si elles existent toujours parce que j'en suis parti ou parce que j'y suis passé. Ça dépend des jours. Non, voilà, Vibration, c'était à l'époque à la fac à Orléans. Première émission, un samedi matin, on cogne à la porte avec ma chérie, qui est toujours la même d'ailleurs, parce qu'on faisait l'émission à deux pendant au moins 2 mois avant de s'engueuler, et on tape à la porte et il y avait un mec qui dormait sur un canapé, et qui nous a dit « bon, là c'est les micros et là c'est les trucs », et il est parti. Et là, voilà, bah, on avait nos disques sous le bras et on a mis des disques, quoi. Et vous avez commencé donc des émissions musicales. Exactement. Alors, en 83. Quel style ? C'était les disques que j'avais moi, ce que j'écoutais moi. Donc il y avait du Dire Straits, du Elvis Costello, du Gislain, des choses comme ça. D'accord. Trucs de l'époque, quoi. Et cette émission, elle dure combien de temps ? Je sais pas, c'était... à l'époque, les grilles de programme de vibration, je crois, il y avait 120 émissions. Donc, c'était un peu compliqué, puis ça a évolué. Ouais. Mais j'ai fait beaucoup de radio, d'antenne en tout cas, jusqu'en 88. Voilà. Alors ensuite, après Vibration, vous avez fait quoi comme radio ? Après, je suis monté à Paris et sur une radio qui s'appelait 103.5, la fréquence a remonté le temps, qui était l'ancêtre, elle s'appelait Radio Gilda avant ça, et on l'a appelée Chérie FM. D'accord, et ça, voilà. Ça c'était 39 avenue d'Iéna, au rez-de-chaussée chez Énergie. Donc il y avait la régie d'Énergie au rez-de-chaussée, les bureaux au premier, la radio au sixième. Et nous, on était... la radio, c'était l'entrée du rez-de-chaussée. C'est tout. Juste l'entrée. Voilà. C'est bien, hein, c'était sympa. Et ensuite ? Ensuite, break de 2 ans dans laquelle j'ai fait essentiellement des voix de pub pour Intermarché. J'ai remplacé Gérard Klein pour aller raconter le saumon de Norvège, qui était un peu moins pourri qu'aujourd'hui, mais qui commençait à l'être, pour raconter, je sais pas, le flétan au Groenland, le coton, les champs de coton au Togo. Qu'est-ce qu'on avait de drôle ? Les queues de langoustes nettoyées à la Javel en Indonésie. On n'avait pas dit à l'époque que c'était nettoyé un peu avec la Javel. Voilà. Des voix de pub, quoi. Raconter. C'est le début de la mondialisation et là, ce qui est Intermarché, c'était l'annonceur pour qui je travaillais, voilà, faisait 350 000 queues d'écrevisses dès demain dans ton Intermarché. Je sens que c'est un sujet qui vous touche, mais on en reparlera un tout petit peu plus tard. Vous faisiez donc de l'antenne, pas du tout derrière les manettes. J'ai commencé à m'intéresser à la programmation musicale avec le premier Selector qu'on a eu chez IFM. Il faut préciser ce que c'est. Selector est un logiciel de programmation musicale qui, en fait, celui-là, on l'avait, c'est Vibration qui l'a ramené en France, bizarrement à l'époque, puisqu'on avait envoyé le gars qui avait fondé Vibrations, Bruno Amalou, il voulait aller aux États-Unis acheter du matériel de son. Et évidemment, il parlait pas anglais, donc il a emmené un gars qui parlait anglais, le plus intelligent d'entre nous, qui s'appelait Philippe Generali, qui était l'animateur vedette de la radio, sous le pseudonyme intelligent de Chapoutot. Pour ceux qui connaissent, mais où est donc passée la 7e compagnie, vous verrez comment ça marche. Et voilà. Et puis, en fait, ils ont découvert à ce moment-là, lors de ce voyage, ça devait être en 85, ce logiciel. Et Philippe, aujourd'hui, le président monde de RCS qui fabrique ses lecteurs. Étonnant. Ensuite, donc, après ex-Chérie FM, vous êtes toujours avenue d'Iéna. On s'enchaîne sur quelle radio ? Après Intermarché, j'ai enchaîné avec Oui FM. Alors ça, c'était en quelle année ? 91. Je suis devenu PDG de Oui FM, pas par hasard, mais un peu. Alors, expliquez-nous. En fait, le gars avec qui on avait fait Chérie FM, qui était en anglais, m'a rappelé un jour en disant « Tiens, j'ai une mission de consulting à faire pour Oui FM, pour le compte de Virgin, qui était actionnaire de Oui FM et qui ne savait pas quoi en faire. » Donc, on a fait le projet, lui s'est occupé un peu des aspects financiers, moi du projet radiophonique. Éditorial, et puis on m'a dit, est-ce que vous voudriez être directeur des programmes ? Je dis ouais. Et puis il y avait Polygram aussi, l'ancêtre d'Universal dans la boucle, qui a dit, ah non, une seule personne. Donc je suis devenu PDG, voilà, c'est comme ça. Et pour combien de temps alors, OuiFM ? 6 ans, 6 années magiques, pleines de rock'n'roll, avec des moments difficiles, mais en tout cas... On a essayé d'inventer pas mal de choses en termes de radio, de réaliser quelques petits rêves aussi, faire des belles choses, des ratages complets, mais voilà, pas de regrets. Alors, est-ce que déjà vous, personnellement, vous n'avez pas eu de regrets de quitter le micro ? Aucun. Parce que vous en avez fait quand même pas mal. Plein d'heures. Aucun. Il faut savoir où est-ce qu'on est le meilleur, et j'étais un aimable tâcheron du micro. C'est-à-dire que je peux vraiment expliquer à tout le monde comment il faut parler, ce qu'il faut dire, comment on fait les trucs. Mais c'est comme les histoires drôles, il y a des gens qui les racontent formidablement bien et des gens qui les racontent, vous pouffez à peine. Je fais partie de la deuxième catégorie. Donc je me suis retiré du micro pour laisser la place à des gens bien plus talentueux que moi. Et par contre, j'ai essayé de travailler à leur permettre de jouer, de s'épanouir et de faire de belles choses. Donc ça ne vous manque pas même, vous ? Alors pas une seconde. D'accord. Désolé. Alors quand on va faire la première pause musicale. Alors Bruno Delport, vous avez choisi quoi pour la première pause ? Le meilleur disque du moment de l'artiste que je préfère en ce moment et depuis un certain temps. Elle s'appelle Yael Naïm. Elle travaille avec David Donatien et ils viennent de sortir un album qui s'appelle Older, qui est une pure merveille de la première à la dernière note. Je dis pas ça pour plaisanter, c'est un des plus beaux trucs que j'ai entendu ces dernières années. Et je sais même plus quelle chanson je vous ai demandé. Dream in my head. Dream in my head. Faut l'aider jusqu'au bout parce qu'elle chante à la fin. C'est... Elle tue tout. Et elle est le 27 avril, 27 mai au Cirque d'Hiver. I got a dream in my head, just waiting for the day. Just waiting for the day to be born. I got a seed in my head. De Yael Naïm dans La Mécanique des Ondes de Bruno Delport, une petite touche blues. Hein. Y a, ah y a, mais y a... c'est... Il y a une vraiment sur c'est vrai que sur cette chanson qui est vraiment magnifique, il y a une petite touche blues. Bruno Delport, on vous a laissé à la direction de WeFM. On est en quelle année, rappelez-nous? 91 jusqu'en 97. Donc c'est un gros défi quand même. WeFM, c'est un gros défi parce que d'abord il n'y a jamais eu vraiment de radio rock. Il y en avait une qui s'appelait RTH 99, un truc comme ça, mais radio rock comme je l'entendais moi, il n'y en avait pas eu. Et on a réussi à la faire. Alors on a eu beaucoup de chance, puisque c'est quand même les 5 années musicales, il n'y avait pas eu d'équivalent depuis 68-72, donc chaque semaine il y avait quand même des albums incroyables qui sortaient. C'est Nirvana, en gros je crois en 3 semaines on a eu Nirvana, Pearl Jam, Toast Like It, Noir Désir et des choses comme ça. Donc ça tombait comme à gravelotte, et puis ensuite les Anglais sont revenus avec Oasis, avec Blur, etc. Et donc voilà, c'est 6 années absolument incroyables où chaque semaine on avait dans les studios des invités qui sont tous devenus les plus grandes stars du rock mondial. Et en plus, on a bien rigolé. Voilà. Alors, votre stratégie éditoriale, c'était quoi? C'était de mettre qui à l'antenne, de mettre quoi? D'abord, c'était de faire de la radio et de faire de la radio et de faire des shows. Voilà, de faire des vrais shows avec des gens qui aiment le micro et qui se marrent à faire ça. Et voilà, c'était pas du tout de faire de la radio, de l'encyclopédie du rock, avec des gens qui se prennent au sérieux, mais c'était pas aussi, c'était pas non plus, ça existait pas encore, mais c'était pas encore de l'humour, des trucs comme ça, quoi. On essayait de faire un peu mieux que ça, même si on faisait des grosses bêtises. Voilà, et puis après, c'est des rencontres et des hasards de la vie qui font que vous avez un animateur très classique, vous avez chopé, parce que vous avez besoin quand même de mecs qui savent faire de la radio, donc vous avez chopé à RVS à Rouen, qui est sympa comme tout et tout. Et puis un autre gars qui repasse, il avait fait un test et que c'était un peu n'importe quoi, mais il a une bonne gueule, alors vous lui faites faire un essai, il bosse dans le restaurant italien à côté. Vous lui faites faire un essai le soir, vous écoutez 5 minutes, c'est complètement pourri, mais vous vous marrez. Voilà, et c'est comme ça qu'on a eu Cad et Olivier, tout simplement. Et puis donc il y avait Olivier le matin, Cad après. Ils faisaient des passages d'antenne, ils ont commencé à se marrer, à inventer des conneries. Et au bout d'un an, ils m'ont dit, on va faire l'émission ensemble le matin, on a créé le Rock'n'Roll Circus. Voilà. Autrement, c'est un des animateurs qui est toujours là-bas. Le seul que, quand il y avait une équipe, hein, quand on a repris WeFM, ils sont tous partis sauf lui. Et lui, je voulais pas qu'il parte parce que dans son générique, comme quoi ça tient beaucoup de choses, dans son générique d'émission à laquelle je ne comprenais absolument rien de ce qu'il racontait, la musique qui passait, la manière dont il parlait, c'était pour moi autre chose. Mais dans le générique, il y avait des extraits des Tontons Flingueurs, et quelqu'un qui aime les Tontons Flingueurs peut pas être complètement mauvais. Voilà, ce genre de choses. Ça tient à pas grand chose. Ouais, mais en 91, il y avait pas le côté vintage d'aujourd'hui où on se réfère en permanence au passé. En 91, on regardait plutôt le futur, donc voilà, c'est un mélange des choses. Et puis c'est aussi un jour, on cherchait des animateurs, et donc j'avais une cassette de Radio France Melun, magazine moto Maurice Chanvert. J'ai regardé, je l'ai jeté directement dans la caisse sans écouter évidemment, puisqu'on s'en foutait. Et je crois une semaine après, il y a un gars qui appelle, et la standardiste me dit Maurice Chanvert. Bon, j'ai rien. À ce moment-là, je sais pas, je suis tout seul dans mon bureau, j'ai pas un truc, je prends le téléphone, et là j'ai une énorme voix, mais bon. Bon, je vais voir le gars, donc je l'invite à venir. Et il se pointe, et je vois un grand blague d'un mec 90 avec une queue de cheval, des lunettes à la Laurent Voulzy, en barbeau et qui fume la pipe. Je dis, tiens, c'est un drôle de personnage celui-là, et voilà. Et puis on a fait. Donc c'était Maurice, et il a commencé à faire de l'antenne. C'était pas terrible, franchement, mais il avait cette voix extraordinaire, et puis un jour il avait un jeu à faire. Et dans le jeu, au lieu de dire vous appelez, il dit tu prends ton téléphone. Et là, le lendemain, les mecs me font, mais il est cinglé. Je fais, ouais, mais lui, ça marche. Voilà. Et puis après, je lui ai donné la cassette vidéo de Talk Radio d'Oliver Stone. Et je lui ai dit, viens, on va faire ça. Et on a fait Maurice et la nuit, qui est donc la copie conforme de Talk Radio d'Oliver Stone, mais à la sauce Maurice. Et on s'est bien marré. Voilà. Oui, parce que tutoyer les auditeurs à l'époque. C'est impossible. C'était impossible. Et c'est même pas tutoyer, c'est-à-dire qu'il leur. C'est tutoyer quand on est au téléphone avec quelqu'un. Ouais. Mais c'est dans l'expression. Tu prends ton téléphone, t'appelles et tu viens. Enfin, des trucs. Ouais, c'était marrant. Ça paraissait hyper naturel dans sa bouche. Chez lui, ouais. Enfin, lui, ça sonnait. Si moi je le fais, c'est con. Mais lui, ça sonnait bien. Alors, qui d'autre, à part Maurice, Cadet Olivier Qui est, il y en a eu plein. Je vais me fâcher avec tout le monde après. J'en reste là. Vous restez combien de temps à WeFM, Renaud Delport? 6 ans. C'est pas mal. Et pourquoi vous partez? J'ai fait le tour. C'est pas mal, c'est comme un appart, une maison, un truc, on reste pas à vie dedans, quoi. Donc voilà, j'avais pissé sur les murs, c'était bon, j'ai marqué mon territoire. On avait fait Maurice, on avait fait le Rock'n'Roll. Puis j'avais toujours dit que je partirais en même temps que KDO. Et puis il partait à la télé, donc voilà. Et donc vous avez eu envie de faire quoi? Quelqu'un vous appelle? Alors, vous allez chercher quelque chose? Non, j'ai jamais cherché. Je répondais à des demandes que je refusais régulièrement. Je m'occupais depuis quelques mois d'un mec qui m'avait demandé avec insistance de le manager. J'avais dit d'accord. Il s'appelle Louis Bertignac. Voilà, qui était le meilleur guitariste français, ce qu'il est toujours, et qui à l'époque se cherchait beaucoup. Et donc je me suis dit, je vais rien foutre, je vais juste m'occuper de ça pour un moment. Voilà, j'avais de quoi vivre un peu moins d'un an, mais ça allait. Et donc je me suis occupé de Louis pendant 10 mois. À ce moment-là, à plein temps, on a fait un double live absolument merveilleux que je revendique toujours. Et puis au bout de 10 mois, j'avais plus de rond, donc il a fallu que je travaille. Et donc j'ai cédé à l'insistante de pression d'un garçon qui s'appelle Jean-François Bizot. Et qui, le jour de mon départ de OIFM, m'avait dit « J'ai préparé ton bureau ». Et j'ai dit « merde ». Et voilà. Vous le connaissiez avant ou c'est vraiment... Alors comment... Je l'ai connu en fait à travers la radio. On a monté des régies communes. D'accord. 94, 95. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on s'est croisés. Parce que moi, je lisais pas Actuel parce que c'était le journal de ma sœur. Donc ça pouvait pas être bien. Des trucs comme ça. Truc de gamin, quoi. Et donc pour moi, Jean-François Bizot, c'était pas une icône ou quoi que ce soit. C'était juste le gars qui me faisait marrer, que je croisais, avec lequel on rigolait depuis 2 ans. Voilà. D'accord. Donc c'était rien de plus. C'est quelqu'un, ces 2 années-là, j'avais appris à apprécier vraiment j'avais compris que c'était quand même pas n'importe qui, que c'était plutôt une montagne. Et voilà. Et que peut-être qu'un jour je travaillerai avec lui parce qu'on rigolait. Vraiment, on s'entendait bien. Et on a bien travaillé ensemble pendant presque 10 ans. Ouais. Alors, en quelle année vous finissez par 98, 98, avril 98. Et alors pourquoi vous cédez à Jean-François Bizot? Parce que je vous dis, j'avais plus de rond, il faut quand même que je bosse, j'ai une famille, des enfants, tout ça. Et à un moment, il faut travailler, donc j'ai plusieurs choix. Et pourquoi celui-là? Parce que c'était celui qui était le plus excitant dans la mesure où il n'y avait pas que la radio. C'est-à-dire que Nova, c'est pas uniquement Radio Nova. Il y avait à l'époque Nova Magazine, il y avait de la production, enfin, il y avait plein d'autres choses. Et voilà, c'était intéressant. Alors d'abord parce qu'il s'agissait de remettre la radio sur les rails, parce qu'elle s'était vraiment, elle était pas en forme. Et puis après, parce qu'il y avait aussi des possibilités de jouer sur des nouveaux terrains que je ne connaissais pas. Et pourquoi ça vous intéressait, cette multicasquette, sachant que vous, finalement, à part la radio... À part la radio, j'ai fait plein d'autres trucs en plus, autrement je me serais fait chier. Mais vous m'avez pas raconté, Bruno Delpa. Vous posez des questions sur la radio, je vous réponds sur la radio. On m'a appris à répondre uniquement aux questions qu'on pose, pas aux autres. Et voilà, j'ai fait du management avec Bertignac, avec Corinne, donc la moitié de téléphone. J'ai fait celle de Yodelis aussi. Voilà, j'ai monté une entreprise avec 2 camarades où on a fabriqué le premier cigare français. On a réussi, on a fait un super beau produit, on s'est planté économiquement, mais en tout cas on a réussi ça, et ça m'a bien occupé 7 ans. Avec Cadet Olivier, on a fait de la production audiovisuelle, on a produit tout un tas de trucs, une série de programmes courts qui s'appelait Bertrand.sacom, avec des choses avec Cadeo, des choses sans eux. Ouais. Donc du coup vous arrivez à Nova, et effectivement il y a plein de choses à gérer. Plein. On les a gérées tranquilles, petit à petit. Alors justement, comprendre d'abord comment ça marchait, comprendre comment les gens pensaient, comment ils avaient, c'était quoi réellement le passé. Parce qu'il y a toujours 2 images du passé. Il y a le passé, on a gardé que les choses positives. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment ça fonctionnait, qu'est-ce qui avait bien fonctionné, qu'est-ce qui derrière n'avait pas suivi. On venait après La Grosse Boule, on venait après Jamel, donc il y avait quand même beaucoup de... Il y avait beaucoup de choses à redresser. Après Jamel, par exemple, vous savez que c'est même pas la peine d'essayer de faire un truc drôle, quoi. Parce que ça va être immédiatement comparé à Jamel, donc vous êtes sûr de... Voilà. Donc il y avait très peu de direct, donc voilà, c'est ce que j'ai mis en place, c'est d'abord de refaire de la radio en direct. Et puis après, il y avait tout le travail sur la programmation musicale, où ils étaient très très forts en musique, mais ils n'étaient pas très forts en musique à la radio. Quelle est la différence ? Musique à la radio, il y a 2 mots, musique et radio, alors que musique, c'est musique. Par exemple, chez vous, il ne vous arrive pas de prendre 50 disques et d'écouter un morceau de chaque. Par contre, vous pouvez facilement écouter un album en entier. Oui. Il ne vous viendrait pas à l'idée à la radio d'écouter un album en entier comme ça. Donc il y a un support qui fait que... Et puis vous n'écoutez pas exactement les mêmes choses quand vous êtes chez vous, à la radio dans votre voiture ou en discothèque à 3h30 du matin, par exemple. Donc là, le lieu change aussi la manière dont et l'utilité de la musique. Donc musique à la radio, ça doit respecter l'outil radio. peut pas s'en faire comme si c'était autre chose. Donc quand vous arrivez, votre défi, il est, c'est vrai qu'il est multiple. Quelles sont vos premières décisions, on va dire, déjà éditoriales dans la grille, vous, est-ce que vous rappelez des gens? Est-ce que non. vous avez des idées de personnes à mettre à l'antenne? Non, je vais jamais chercher dans mes vieux pots les choses. C'est pas comme ça que ça marche. Ou dans les nouveaux talents? Non, il faut faire avec les gens qui sont, déjà. On commence pas par virer des gens, on commence déjà à travailler avec ceux qui sont là. Et voilà. Et puis petit à petit, il y a des gens qui partent, d'autres qui arrivent. Voilà, ça se fait de manière très douce. On vient pas avec son équipe en disant on va vous expliquer comment on fait la radio, tout ça. C'est pas vrai, ça existe pas, ça. D'accord. Et donc voilà, je vais tranquillement. Il y a des gens qui ont des envies, et puis vous dites ok, on va essayer ça. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà, donc on a eu des bons trucs, des trucs moyens, des trucs ratés. Le pire qu'on ait fait à un moment, mais il fallait parce qu'il fallait booster tout le monde. Pendant une saison, les animateurs changeaient d'heure toutes les semaines. Ça, c'était un truc de fidélisation énorme, mais on a vraiment refait de la radio à ce moment-là. Tous les mecs, le gars faisait la matinale, la semaine d'après, il était la matinée, la semaine d'après, l'après-midi, la semaine, il finissait le soir. Et il tournait sur 5 ou 6 semaines comme ça. Au niveau physique, ça ne devait pas être facile, ça, Bruno Delporte. Si, au contraire, c'est plus peinard. Bah si, c'est facile. Ce qui est dur, c'est de se lever tous les jours pendant des années à 5h, à 4h du matin, ça je l'ai fait. Mais se lever une semaine à 5h du matin, ça va, c'est pas... Ils étaient jeunes aussi, pas des animateurs croulants comme moi. Alors, Nova Édition, alors comme vous disiez, le magazine Nova existait donc, ouais. Donc à l'époque, mais qu'est-ce que vous développez du coup en parallèle? Alors, c'était pas des développements en parallèle, c'était d'abord de restructurer cette maison qui était un peu, qui fonctionnait pas très bien. Voilà, elle fonctionnait autour de Jean-François, qui pouvait être tout à fait génial et en même temps bordélique. Donc, le problème, c'était de réussir à faire une structure derrière qui soit aussi carré que chez Disney, tout en préservant le chaos devant. C'est-à-dire que l'un et l'autre, que le chaos puisse s'appuyer sur une structure ferme, et que le chaos ne détruise pas tout, mais que la structure ferme n'empêche pas non plus la créativité, l'émulsion généralisée, etc. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine, aussi bien sur les comptes, les structures, la manière dont fonctionnent les chaînes de commandement, on dit, c'est ça, les hiérarchies, les choses comme ça, voilà. Jean-François Bizeau, il vous laisse les rênes complètement? Oui. Vous lui demandez des conseils? Non, on se fait pas, on discute. C'est pas des conseils, le truc. C'est un partenariat. C'est lui qui disait ça. D'accord. Je disais oui, chef. Il disait ta gueule. On est partenaire. Je disais d'accord, partenaire. Voilà. Et c'était ces discussions-là, c'est 22h, 3h. Avant, non. C'était trop tôt. Ouais. Et puis moi, j'avais du boulot et lui, il avait d'autres choses à faire. Donc voilà. Jean-François Bizeau, rappelez-moi, il est disparu il y a quelques années. 2007. En 2007. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous a dit avant de, je sais pas, avant de disparaître? Est-ce qu'il y a des choses dont vous vous souvenez? Non, il était. Je me souviens bien le jour où il m'a annoncé qu'il était malade, donc en 2002, où il était très embêté. Et à ce moment-là, voilà, soit on pleure, on se prend dans les bras, ou on fait du travail. Et donc j'étais obligé de lui dire, ok, je travaille à quelle échéance? Je travaille aujourd'hui parce que tu vends Nova dans un an, tu veux vendre Nova dans 6 mois, dans 5 ans, ou on fait comme si de rien n'était. Parce que ça change complètement la perspective, les objectifs. Et dire ça à quelqu'un qui t'annonce qu'il a un cancer, c'est... Pff, voilà. Ouais, ouais, c'était ouais. Ma défense à moi, c'était de faire super pro. Oui, ouais, ouais, bien voilà, sûr. Voilà, donc il m'a dit, on change. Et il a réfléchi, hein. Il m'a dit, on change rien. Voilà, et ça c'était en 2002. Donc ça, il a vaincu son cancer une première fois, et le cancer a gagné la deuxième manche. Et jusqu'au bout, effectivement, vous travaillez en tant que partenaire? Bien sûr, ouais, parce qu'il était... d'abord, sur la radio, il me foutait la paix. Même si de temps en temps, il me dit « c'est nul ce truc », tout ça, mais ça allait. Il avait suffisamment d'autres trucs à faire, des bouquins, des choses comme ça, pour ne pas manquer d'occupation. Et voilà, non, on a travaillé jusqu'au bout... je pense en bonne intelligence, avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Alors on va passer la deuxième pause musicale assez rapidement. Qu'est-ce que vous avez choisi, Bruno Delporte, comme deuxième pause? C'est un morceau qui est très, pour moi, important dans ces moments un peu compliqués, etc. Ça me fait du bien. Ça s'appelle Washing of the Water. Il y a un côté nettoyage. Et c'est Peter Gabriel. C'est la version live que vous avez? Oui. C'est absolument sublime, l'extrait de l'album Secret World, que je recommande à tout le monde. C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie en concert, je crois. Son... De Peter Gabriel, c'est la version live. Je suis désolé Bruno Delport de couper cette pause musicale. Là, ça va envoyer là. Pas longtemps, mais bam. Justement, un petit peu. J'ai non, pris non, que la partie apaisée. Voilà, c'est une chanson absolument sublime. On avait vu ça au Zénith avec une scène centrale, etc. C'était un spectacle absolument formidable. En quelle année ? 94. Alors, on parlait justement de Radio Nova. On va parler un petit peu de la perspective de Radio Nova, puisque dans plusieurs articles, Bruno Delport, depuis un bon bout de temps, il me semble, vous parlez, et vous êtes un fervent défenseur de la RNT, la radio numérique terrestre. Évidemment, en tant que radio associative, on est plus que de votre côté. Mmh. Et j'aimerais bien que vous réexpliquiez aux auditeurs ce qu'est la RNT. La radio numérique terrestre est à la radio ce que la TNT est à la télé. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'au lieu d'émettre un signal analogique, on émet un signal numérique. Et par la grâce du numérique, on a plus de place pour diffuser. On peut diffuser plus de programmes que simplement sur la bande analogique. Voilà. Et la RNT aujourd'hui, la radio numérique, c'est le moyen de sortir par le haut d'une situation encroûtée depuis un paquet d'années. Où, en gros, moi, quand j'ai commencé la radio, il y avait trois groupes. Il y avait Europe, le groupe Europe 1, le groupe RTL, le groupe RMC. Et maintenant, il y en a un quatrième, le groupe Énergie. Plus deux, trois trucs à côté, genre Skyrock, MFM et Nova. Et puis voilà, il n'y a pas... mais ça reste complètement sclérosé, on ne peut plus se développer. C'est-à-dire que Nova a 26 fréquences en France, alors qu'il n'y a pas franchement de raison pour qu'on en ait beaucoup moins que Virgin Radio ou KFM. Or, c'est ce qui se passe, et il n'y a pas de moyen sur la bande FM analogique classique de développer, que ce soit Nova, mais c'est aussi vrai pour WFM, c'est vrai pour TSF Jazz, notre petite sœur, c'est vrai pour des nouveaux projets. Il y en a qui sont bien, hein. J'ai entendu des trucs crooner, nous on a fait Radio Paname, on se marre bien, enfin voilà, il y a plein de choses. Et la radio numérique terrestre, elle est bloquée parce que, à l'époque, il y en avait trois qui étaient contre la FM, RMC, Europe et RTL, et maintenant il y en a quatre contre la RNT, ces trois-là, plus énergie, parce qu'ils sont assis sur leur magot, sur leur gros tas, et ils ne veulent pas en bouger, ils ne veulent pas de nouveaux concurrents, parce qu'ils expliquent qu'effectivement, le marché étant ce qu'il est, on ne peut pas mettre d'autres choses. Parce qu'autrement, leurs bénéfices vont baisser. Et nous, on dit, c'est le contraire. Si on a plus d'offres, eh ben, il y aura plus de monde qui va écouter la radio. Et dans un moment où les nouvelles technologies, etc., font feu de tout bois, il faut être très dynamique et montrer que la radio, c'est un truc du futur et pas un truc du passé. Eh ben, en refusant la RNT, on démontre à l'envie, au marché, que c'est mieux comme ça, il ne faut pas bouger. Quoi. Alors, il faut dire que la RNT a démarré depuis un an. Oui. Sur Paris. Paris, Nice et Marseille. Voilà. À peu près. Il manque des radios, il manque des trucs, parce qu'il y a eu des recours, des annulations, des systèmes légaux complètement abscons, génialement votés par ceux qui voulaient planter la RNT, et ont fait en sorte de mettre des vers dans le fruit tout de suite. Donc voilà, il y a eu un grand rapport récent qui redonne un tout petit peu de perspective potentielle à la RNT. Mais c'est le sens de l'histoire, donc ça se fera. Je reste un éternel optimiste là-dessus. Je l'espère également, Bruno Delport. Avant de passer au questionnaire rapide, etc., je voulais faire un petit parallèle parce que vous avez eu une carrière politique. Oh non, pas de carrière, j'ai une activité politique. Je vous ai dit que je ne pouvais pas faire qu'une seule chose à la fois. Donc chez Nova, je travaille, je lutte pour la biodiversité culturelle. Et dans mes activités politiques, j'essaye de lutter pour la biodiversité en général, lutter contre la, pour travailler à la prise de conscience des effets dévastateurs du changement climatique, de l'effet de la frilosité nationaliste, alors que, à mon avis, la bonne échelle pertinente, c'est plutôt l'Europe pour régler les problèmes, ce genre de choses. Voilà. Et oui. Un parti qui, effectivement, réunit un peu l'Europe, l'écologie, tout ça. Mais c'est quelque chose... Ben voilà, vous non, étiez, mais c'est donc, très sérieux, je le fais très sérieusement. Oui, hein, bien pas... sûr. Donc vous étiez chez les ELV, Europe ouais. Écologie Les Verts. Toujours. Vous êtes toujours... C'est quelque chose... J'ai l'impression, quand vous me parliez des pubs Intermarché, c'est quelque chose qui vous a toujours... Interpeller l'écologie? La politique. J'ai grandi dans un milieu politique avec un père élu, etc. Donc j'ai toujours adoré la politique. Pas simplement le jeu politique, mais la... Vous avez une culture. J'ai une culture là-dedans et je m'étais dit, par contre, je sais que je ne veux pas en dépendre. Donc il fallait que j'ai un vrai métier, un vrai travail, tout ça pour pas dépendre de la politique. Vous avez choisi la radio comme vrai, ouais. Comme vrai travail. Ouais, c'est vrai que bon, c'est vrai, c'était pas gagné d'avance, mais voilà. Donc je fais plus de politique depuis quelques années. Chez Europe Écologie Les Verts, j'ai dirigé la campagne des européennes, j'ai fait une campagne au régional, enfin voilà, des choses comme ça. J'ai présidé l'association de financement pour les présidentielles. Voilà, c'était un travail de, qu'on dit de back-office, puisque voilà, je sais pas le. Pour l'instant, je pense difficilement compatible mon métier avec tête de gondole politique. Voilà. Oui, parce que est-ce qu'il y en a un qui va prendre le pas sur l'autre, du coup, un jour la politique, la radio ? Ben, un jour j'arrêterai la radio. D'accord. Ok. Non mais j'ai 50 ans, donc j'ai encore du temps. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis généralement, les hommes politiques, ils sont... faut avoir un petit peu d'âge. Je sais pas si... Non, parce qu'il y en a des très jeunes qui sont très talentueux, mais je pense que c'est pas un handicap d'avoir une longue vie professionnelle de chef d'entreprise, dans la musique, dans plein de choses. Je pense que c'est plutôt un avantage, justement, et que si on était plus nombreux de ma génération, après des parcours professionnels, à s'investir dans la politique, ou que ce soit, hein, quelles que soient les idées, je pense que si on laissait moins... les gars sympas qui ont fait toutes les grandes écoles, puis les cabinets, puis de la politique, puis qui n'ont jamais rien fait d'autre. Je pense que si on ne les laissait pas tout seuls, on se porterait mieux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas être là, mais ça veut dire que c'est notre problème à nous de ne pas les laisser seuls. La mécanique des ondes. C'est le moment de la question de l'invité précédent, Fred Hafner. Bonjour Bruno Delport, alors ma question concerne évidemment Radio Nova, une belle radio qui m'accompagne depuis mon adolescence et je sais que en ce moment il est question de rachat, de plein de choses et voilà, comment est-ce qu'on fait pour maintenir l'esprit de Radio Nova, l'esprit de Jean-François Bizot après Jean-François Bizot? Je ne suis pas une émission de scoop radio. Non, mais l'esprit de Nova, c'est pas l'esprit de Bizot, c'est pas l'esprit de Delport, c'est pas l'esprit, c'est un esprit collectif, c'est une œuvre collective Nova. Donc maintenir cet état d'esprit-là, c'est simplement garder les yeux et les oreilles ouvertes, et puis continuer à essayer de regarder les choses qui nous plaisent, qui nous semblent intéressantes, et de les faire partager. C'est pas voilà. C'est-à-dire que quelqu'un vient nous expliquer, ah, ce serait génial si vous aviez une chronique télé pour défoncer Hanouna, tout ça. On lui fait, mais ce qu'on en a à cirer, quoi. C'est bon, ça va. Il y a suffisamment de gens qui en parlent en bien ou en mal. Nous, ça nous intéresse pas. On préfère plutôt parler, je sais pas, de, qu'est-ce que j'ai entendu récemment et qui était absolument passionnant sur des gars qui étaient, on a fait des émissions à Portland, dans l'Oregon. Et voilà, on a appris un nombre de choses incroyables sur cette ville qui est, tout à fait stupéfiante par rapport à l'image qu'on peut avoir des Américains, voilà. On préfère raconter ce genre de choses-là, ou recevoir un super auteur, ou recevoir un explorateur, plutôt que de s'emmerder. Donc l'état d'esprit, il bouge pas, il est là, c'est la curiosité dans tous ses aspects, sur la musique, sur la culture, sur la création en général. Voilà, donc le fait que ça soit racheté ou pas, ça changera pas cet état-là. Parce que vous, ce sera une condition sine qua non que cet esprit ne bougera pas. L'esprit bouge que encore, comme on dit, le pouvoir ne s'use que si l'on s'en sert. Mais c'est pareil, l'impertinence, l'esprit, c'est pas des choses que ceux qui se disent qu'on proclame. On l'est ou on l'est pas. On est curieux, on n'est pas curieux. On est impertinent, on n'est pas impertinent. C'est pas la peine de répéter sous tous les tons la radio de qui. Voilà, nous, on aime bien dire que Nova, on est premier sur la trompette. Voilà, comme ça, on est premier sur un truc, mais pour le reste, on va pas changer. Et que ça soit dans la vie des entreprises, c'est une entreprise. Je le disais tout à l'heure, derrière ça tourne bien, même si devant ça a l'air joyeux bordel, derrière ça tourne très bien. Il faut que ça continue comme ça. Et la vie des entreprises fait que, effectivement, des fois, le capital peut changer, mais l'histoire de Nova, la marque Nova, ce qu'elle représente, la personne qui l'achète, c'est pas pour en faire autre chose. Ou alors, c'est qu'il est très con. Et je n'arrive pas à croire que les gens soient très cons. Mono Delport, c'est le moment du questionnaire rapide. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence ? J'écoutais plus Europe 1. Ouais. Quelle radio vous réveille le matin ? Très variable. Ah, ça dépend des jours. Là, je peux pas. Il n'y en a pas une. Quelle radio vous endort le soir ? En ce moment, Paname. Un endroit où vous écoutez toujours la radio ? Dans ma salle de bain, dans la cuisine, dans la voiture. Je vous en ai demandé un seul. Pardon. Non, non, mais c'est pas grave. J'écoute tout le temps. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais ? Jamais dans ma chambre. Vous n'avez pas de radio réveil ? Non. Votre meilleur souvenir de radio, s'il n'y en avait qu'un seul à retenir ? Vache. Ça. Le meilleur. Meilleur. Je sais pas, je peux pas. Et le pire ? Non, j'ai pas de pire. Par contre, ça je sais, j'ai pas de pire moment. On a eu des grandes angoisses, des trucs, mais j'ai jamais eu de pire moment. Mais par contre, le meilleur moment, j'ai tellement eu de grands moments où on, voilà. Si, alors, bah, okay, peut-être quand... c'est pas un grand moment, mais c'était un grand hommage. C'était Michael Hutchence, le chanteur d'INXS, qui était dans les studios de WFM, et on s'était battu un peu avec la maison de disques, tout ça, et il nous avait dit, bon, on vous amène Michael Hutchence, ça vous va ? On a fait ok, sympa, c'est gentil. Et Hutchence arrive, et il nous dit, je suis super content d'être là, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas WFM sur la liste de promo, j'ai dit, s'il n'y a pas WFM, je fais rien. regarde la fille, et voilà. Et Hutchence est repassé, je ne sais pas, 4-5 fois. Quand il venait à Paris, il s'arrêtait pour venir nous dire bonjour. Alors lui, quand on a appris sa mort, c'était triste. Et la dernière question, un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio, s'il y a un conseil à donner. Go. Vas-y, c'est pour ça que, heureusement qu'il y a encore des radios associatives pour commencer, on va dire. Parce que c'est vrai que dans les radios commerciales, même les nôtres, c'est très très difficile de commencer, même si on prend des stagiaires, ce n'est pas des stages café, c'est des vrais stages pour bosser et tout. Mais aller derrière le micro, il faut aimer ça, il faut en faire des heures et des heures pour s'améliorer. Et là, pour ça, les radios associatives, c'est pas mal. Mais donc voilà, faut venir chez nous. Faut vous pas venir. Pouvez. Mais dans toutes les radios, quel que soit le truc, si on aime le micro, on aime parler des choses. Merci beaucoup Bruno Delport. Écoutez Radio Nova, oui, vous pouvez l'écouter si vous n'écoutez pas Fréquence Protestante comme d'habitude, comme à chaque fois. Merci beaucoup en tout cas pour ces trois quarts d'heure passés en notre compagnie. On va suivre les aventures de Radio Nova évidemment. Cette émission pourra être réécoutée sur le site dédié lamecaniquedesondes.com et sur le site de la radio fréquenceprotestante.com. À très bientôt.